Alors, c'était Psychotica avec The Awakening sur les ondes de CHU 89.1 FM. Alors, vous êtes sur La Foutaise, une émission qui remplace Gaia Spec. Et donc, pour la dernière fois, ça fait 5 semaines qu'on est ensemble et puis on va finir l'émission avec un paquet de bonnes tunes. On va voir du Monaco, du Revenge, du The Other Two, Electronic, Cabaret Voltaire, du Recoil, Utah Saints, Passengers, Left Field. Et donc, c'était Psychotica. C'est une pièce qui vient justement de leur premier album qui est intitulé Psychotica. Excellent album. Et dans les prochaines semaines à venir, si je reviens à l'écoute, à l'antenne plutôt, je vais vous en faire jouer probablement pas mal souvent à cause c'est une super bonne band. Alors, aujourd'hui, ça va être la dernière émission de La Foutaise. Alors, on va essayer de parler le moins possible, mais on va avoir un petit concours plus tard. Alors, je vais vous donner un numéro de téléphone à appeler si jamais vous voulez participer. C'est le 562-5967. 562-5967. Et donc, on fait ça une fois de temps en temps, des concours, c'est juste pour le fun. Ça va être pour gagner une copie d'un album d'un groupe qui va avoir rapport avec certains des artistes qu'on va faire jouer aujourd'hui. Alors, quelques semaines passées, on avait eu deux semaines passées à l'émission, on avait eu un concours, c'était pour gagner un album de Japan. Et c'était par rapport à une toune qu'on a fait jouer deux autres. C'est pour vous laisser savoir, pour les gens qui se demandaient le nom de la toune, ça s'appelle The Tenant. Et comme je vous avais bel et bien dit, c'est un nom qui a rapport un peu avec un film de Roman Polanski. C'est un film de 1976 avec Isabelle Adjani et Roman Polanski, justement. Que certaines personnes m'ont dit était vraiment, vraiment bon. Mais par contre, selon les critiques que j'ai lues, ça a l'air pas mal pourri. De toute façon, alors on va passer donc à du Left Field, du Utah Saints et du Passengers. Passengers, soit dit en passant, juste pour vous laisser savoir, les gens qui ne connaissent pas ça, c'est une compilation de musique, si on veut, de films, possiblement. Ça a été fait par les membres du groupe U2 avec Eno et puis d'autres artistes connus en tous les cas. C'est un mélange de différents artistes qui sont regroupés pour faire de la musique électronique, un petit peu ambiante parfois et des fois d'influence multiculturelle. Alors la pièce qu'on va faire jouer, ça s'appelle Theme from Let's Go Native, et ça serait donc de l'album Original Soundtracks 1 de Passengers. Ça va être la troisième pièce. Alors on va commencer présentement avec du Left Field sur les ondes de CHUO 89.1 FM. Thank you. Alors, Theme from Let's Go Native de Passengers sur les ondes de CHO 89.1 FM. Et c'est donc un groupe composé des membres de U2, de Eno, d'autres artistes variés. Alors, ça n'a pas vraiment rapport, mais j'ai vu ça dans le journal aujourd'hui, là, puis ça m'a vraiment, vraiment tombé sur les nerfs. C'est que, semblerait-il, sur la page couverture du Citizen, il y a un petit article, ou en tout cas, ils font référence à un article sur Anne of Green Gables, soit disant que peut-être elle serait lesbienne. Bon, ben, entre vous et moi, c'est vraiment, vraiment con, cette niaiserie-là. C'est de la pure foutaise. Il me semble que, de nos jours, en l'an 2000, là, ça n'a vraiment pas rapport de s'attaquer aux gens pour leur caractère sexuel. Spécialement quand on parle, en particulier, d'un c'est un personnage de la littérature canadienne. C'est vraiment, vraiment con. Ça va donner des excuses là, maintenant pour les gens de la droite, là, faire sortir les livres, évidemment, des classes d'école primaire, évidemment, où ça va de soi que Anne of Green Gables est lue, c'est couramment et fréquemment. Alors, en tous les cas, si vous voyez l'article, lisez-le, voyez qu'est-ce qu'il essaie de dire à propos de ça. Puis, pitchez des tomates aux Citizen ou envoyez-leur des lettres, tu sais, pour leur dire d'arrêter d'écrire des conneries pareilles. Ça n'a pas de maudit bon sens, en tous les cas. Checkez ça, c'est dans le journal d'aujourd'hui. Alors ça, c'était Passengers. Avant ça, on avait une toune de Utah Saints, qui est leur, je pense, leur premier album, en tous les cas. C'est un album éponyme, là. Et puis, c'est une toune qui s'appelle Transatlantic Glide. Et puis, ben, Utah Saints est particulièrement reconnu pour le fait qu'ils utilisent juste du sampling pour créer leur musique. Ils prennent des beats ici et là de différentes tunes variées. Et puis, ça fait un album vraiment, vraiment intéressant. Alors, si jamais vous avez la chance d'aller en ramasser un album d'eux autres, là, ça vaut vraiment la peine. Alors, checkez ça. Et puis là, maintenant, ce qu'on va faire, on va passer à la partie du concours. Il y a déjà quelqu'un qui a appelé, sauf qu'il fait que je passe en onde. Alors, j'incite les personnes à me rappeler très vite, quand je vais avoir fini de parler, s'il vous plaît. Alors, donc, les prochains quatre morceaux qu'on va faire jouer, c'est tous des morceaux qui ont rapport ensemble. Le premier étant de la band Revenge. Alors, Tous les artistes qui vont suivre viennent d'un groupe en particulier qui est relativement connu, plus dans les années 80 et puis un tout petit peu dans les années 90. Et c'est tous des groupes qui ont été créés à partir de certains des membres du groupe premier là, des années 80. Alors, ce que vous devez faire, vous devez m'appeler au 562-5967 et me dire, évidemment, quel est le nom de la band auquel je fais référence. Et si vous avez le nom de la band comme il faut, ben là, je vous donne un des albums du groupe. J'en ai deux avec moi. Alors vous pouvez choisir un des deux si vous voulez. Et puis, si vous trouvez une réponse vraiment époustouflante, là, je vous donne les deux. Là. Alors, c'est ça. Les prochains morceaux, ça va être un morceau de Revenge, suivi par un morceau de Electronic, un morceau de The Other Two, et puis un morceau de Monaco, qui est encore le même artiste qui est retrouvé dans Revenge. Vous avez retrouvé peut-être certaines similarités dans la musique entre le premier et le dernier morceau, justement, à cause de ça. Alors, on suit avec Beach Boy de Revenge. Thank you. CHUO89 cherche couramment quelqu'un pour remplir une position d'été à temps plein. La position est pour l'assistant du gérant de la station. Si vous êtes un étudiant de l'Université d'Ottawa, reçu de l'argent du gouvernement durant la dernière année, bilingue et possède de l'intérêt en radio communautaire, vous êtes éligible. Pour plus d'informations, composez le 562-5965. C'est le 562-5965. Bonne chance! Votre diversité, votre radio. Bonjour, alors vous êtes sur La Foutaise, alors c'est la dernière émission de La Foutaise, ben, à ce que je sache, du moins pour l'instant, mais ça va être la dernière le jeudi de midi à 1h. Vous venez d'entendre 4 super morceaux, donc un de Revenge, donc suivi de Electronic, The Other Two, et après ça Monaco. Monaco et Revenge ayant rapport dans le fait qu'un des artistes a fait les deux groupes. Alors, il y a un concours présentement qui va pour ces pièces-là, c'est... Donc, il faut appeler le 562-5967 et si vous avez le nom du groupe, duquel plutôt, tous ces artistes viennent, c'est-à-dire qu'ils étaient tous ensemble pour faire un groupe dans les années 80 et puis début 90, et ils se sont séparés pour faire leurs petits projets, le solo, etc. Donc, ils ont fait ces quatre bandes-là. Si vous savez c'est quel band, vous pouvez m'appeler au 562-5967. Et puis, si vous avez le bon nom, je peux vous donner un album de ce fabuleux groupe des années 80. Et puis, entre autres, si vous pouvez aussi m'appeler au 562-5967 pour me laisser savoir si jamais, par hasard, vous pensez que je devrais continuer à faire cette émission aussi, ou peut-être même si je devrais aller me tirer une balle dans la tête, ça serait grandement apprécié parce que, justement... C'est pas certain si ça va continuer peut-être plus tard dans l'horaire pour l'été, etc. Et j'aurais besoin peut-être un petit peu d'input, un peu de feedback de vous, mes deux fidèles auditeurs. Et puis, donc, appelez-moi au 562-5967 pour n'importe quoi, me pitcher des tomates, me dire que je suis pourri, que je pue ou que je me suis pas brossé les dents. Ou même me dire que c'est bon, puis de continuer et lâche pas, garçon. Alors, on va suivre avec quelques pièces. Un de Cabaret Voltaire, ça vient d'une trame sonore d'un petit film britannique indépendant qui s'appelle Salvation. Il y a plusieurs artistes britanniques là-dedans. Et d'ailleurs, le groupe qui dont lequel était composé Revenge, Electronic, etc., fait plusieurs tunes pour cette trame sonore-là. Là, c'est même l'artiste principal sur la trame sonore. Alors, si vous avez la trame sonore de Salvation, tirez-la de vos armoires ou de vos boîtes et puis checkez-moi ça et donnez-moi un coup de fil. Alors, ça va être Twanky Panky de Cabaret Voltaire. Ça va être suivi ensuite de Recoil, qui est un groupe un projet qui a été créé par un des artistes de Depeche Mode. Et puis la pièce va s'appeler Freeze. C'est une pièce qui vient de l'album Bloodline, qui était son second album. Il en a fait deux depuis, le troisième qui s'appelle Unsound Methods étant excellent. Alors si vous avez la chance de vous ramasser du Recoil, faites ça vite, c'est vraiment vraiment bon. Alors c'est ça, on va passer du Cabaret Voltaire et du Recoil. Et si on a le temps après ça, on va compléter l'émission avec peut-être une petite toune de plus, dépendant combien de temps qu'il reste. Alors sur les ondes de CHUO 89.1 FM, et c'est La Foutaise. We'll be right back. Alors, on n'aura pas le temps de faire jouer une autre pièce après la tune de Recoil qui vient de débuter, parce que justement, on est en train de manquer de temps. Alors, c'est juste pour vous laisser savoir que si je continue l'émission, ça va être soit en français, sous le nom de La Foutaise, évidemment, alors vous pouvez checker ça sur l'horaire. Si c'est en anglais, ça va être sous le nom de What The. C'est fort probablement un de ces deux titres-là. Donc, alors, regardez l'horaire dans les prochaines semaines à venir et on verra bien si on continue sur les ondes CHU 89.1 FM. Et si vous avez une opinion là-dessus, appelez-moi au 562-5967. Merci, à la prochaine!